combien de nuits à ne pouvoir dormir. Angoissé par l'avenir, trop peur de ne pas réussir. Combien de fois ai-je pensé à ralentir? Mais je voulais m'en sortir, alors je me laissais conduire. Machine arrière, sans mouiller la poussière. Prendre le temps pour que nos enfants ne prennent jamais ce train d'enfer qui ne voit plus passer le temps. Ce train d'enfer, un aller simple et tu descends. En bout de vent, on perd son temps en regrets déplacés. Et sous le poids des années.